Donc bonjour et bienvenue, je suis Jesse Blaydu et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue pour ce second épisode des 10 questions de JLC, donc des interviews d'artistes et de créatifs en tout genre. Donc j'espère que pour cette deuxième émission je serai plus à même d'être un bon présentateur, contrairement à la première mission où j'ai un peu guaqué tout ça, voilà. Et du coup... aujourd'hui donc pour cette deuxième émission, donc vous connaissez le principe je pense, ce sera diffusé sur YouTube, SoundCloud et PodCloud, et aujourd'hui pour cette deuxième émission, nous recevons un invité qui n'est autre que Pandatomic. Bonjour Panda. Yash, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. Voilà, c'est vendredi, c'est les vacances depuis 3 jours, donc tout va pour le mieux. Donc, tranquille. Donc voilà, donc si tu veux, on commence tout de suite avec les questions, on va pas perdre de temps. C'est toi le maître du jeu. Ah, c'est... Merci de me donner cet attribut ô combien honorifique de maître du jeu, Game Master. Voilà, c'est ça, c'est toi le Game Master. c'est... Très bien, donc ne guacons pas plus que ça et commençons directement, sinon je vais trop hésiter. Voilà. C'est donc, parti. Première question, présente-toi, qui es-tu ? Alors, je suis Pandatomic, un créole réunionnais qui essaye de gribouiller par moment sur crayon, enfin sur papier ou sur tablette graphique. Tout dépend de l'envie du moment. Je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de montage, je fais un peu de musique, je fais beaucoup de choses. Mais c'est surtout, on me connaît surtout pour le dessin généralement. Le dessin et aussi pour le dessin, notamment sur YouTube, j'ai envie de dire. Car c'est, je pense, voilà, que grâce à ça que t'as entendu. C'est là où j'ai le... C'est ça, c'est là où j'ai eu la plus grosse montée en fait sur la montée d'abonnés quoi. Là actuellement je suis à 1600 abonnés. Bravo, donc voilà. Ben merci beaucoup. Voilà, donc c'est là où vraiment il y a le plus de personnes qui me suivent quoi. Voilà. On a tous je pense un réseau social sur lequel on a plus d'abonnés que sur les autres hein. c'est... Ouais, non, mais je pense que c'est la base, quoi. C'est la base. Moi, perso, c'est Instagram, donc voilà, c'est... Ah, voilà. C'est ça. C'est... Moi, sur Instagram, je suis pas très... Enfin, ça va, je me débrouille. Mais bon, voilà. C'est vraiment YouTube, là, mon rayon, quoi. Même si, dernièrement, je suis pas très actif. Ouais. Donc, en résumé, un couteau suisse créole. Voilà. Voilà, un couteau suisse créole, c'est ça. Très bien. Donc, deuxième question, pour le coup. Depuis quel âge dessines-tu ? Alors ça, c'est une question très compliquée. Je vais répondre exactement la même réponse que ta première, que dans ta première émission, depuis que je sais tenir un crayon, quoi. Vraiment, je crois que j'ai encore avec moi mon premier dessin, mon premier en guillemets, que mes parents avaient gardé. C'était un mouton en stylo orange fluo. Je sais pas si tu connais quand t'étais petit, il y avait des stylos, les stylos orange fluo comme ça, des couleurs fluo. Et c'était un mouton dans une prairie, voilà. Donc c'est Petit prince panda, dessine-moi un mouton. C'est ça. C'est ça. Et voilà, ils l'ont gardé. Et, genre, quand j'ai eu mes 18 ans, ils m'ont fait « Oh tiens, j'ai retrouvé ça. » Je fais « Oh d'accord, c'est gênant. C'est pas beau. C'est tout sauf beau. » Ça, je pense que ça doit être le gros malaise. Là, je pense que c'est... Ah non, c'est clair. C'était... j'étais là, mais pourquoi ? Pourquoi on a gardé ça ? Fallait pas. Non, voilà. Mais c'est cute. Voilà, c'est les dessins d'eux quand t'étais petit. Donc voilà. C'est sûr. Ensuite... Je vais éviter de trop parler parce que je sens que sinon ton émission elle va durer à peu près 3 heures. Donc je vais essayer de... Pour l'instant, je pense qu'on est bon. Hein. Ça, c'est... Ok, voilà. D'accord. Voilà. Donc ensuite, troisième question pour le coup. Quel est ton parcours ? C'est-à-dire parcours scolaire en dessin. On va dire un mix des deux, c'est-à-dire parcours scolaire dessin un peu. C'est plus parcours dessin qu'autre chose, mais voilà. C'est... Quel est ton parcours ? Alors parcours dessin, c'est j'hésite à dire que je suis autodidacte. J'aimerais plus dire que je suis web didacte quoi. C'est-à-dire que tout Ouais, voilà, en gros, ouais. Mais tout ce que je sais en dessin, je l'ai appris sur Internet, quoi. C'est vraiment après des recherches personnelles, des exercices. Donc, j'ai pas fait d'école ou quoi. L'année dernière, j'ai voulu m'inscrire à Lillois. Donc, c'est une école toute pourrite, mais vraiment pourrite. Je conseille à personne Lillois, en fait, comme école. J'ai fait le concours, mais comme il faut être extrêmement pistonné pour y entrer, j'ai pas été pris, quoi. Donc, j'étais un peu dégoûté sur le coup, mais voilà. Donc, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait d'école de dessin, j'ai rien fait. Tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. Bah, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, je pense, hein, Voilà, parce que. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein d'entre nous qui n'ont pas fait vraiment d'école spécialisée là-dedans, quoi. Et surtout plein qui se sont, comme moi, qui se sont fait pigeonner quand ils étaient plus jeunes et qui ont acheté et encore acheté les espèces de bouquins dessinés en manga qui coûtent 20 Ouais, euros le bouquin, c'est. ouais. Et qui en Mais fait j'en n'ont ai pas ça. un. C'est ça, j'en ai un, c'est-à-dire je l'ai acheté il y a à peu près 5 ans, je l'ai acheté, ou 3, je sais plus. Mais bref, il vraiment, j'ai appris 2-3 trucs dedans, quoi, mais vraiment, on le trouve sur Internet C'est aujourd'hui. ça. Et en plus maintenant, Ça. ces bouquins, ils racontent tous la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont tous différents, mais ils racontent tous la même chose. Et au C'est final, juste ce qui change. c'est ça, t'apprends pas beaucoup, en fait, grâce à ces livres, quoi. C'est ça qui est dommage, je trouve. Bah Voilà. vu que de temps en temps j'anime des cours de dessin manga, c'est ce que je dis aux élèves. N'achetez surtout pas ces livres. Si vos parents veulent bien être avec vous, allez sur Internet et regardez sur Internet comment faire. Voilà, Ouais, c'est. voilà, c'est exactement ce que j'ai dit aux élèves que j'ai pu avoir aussi. Ben, justement, j'ai fait des cours aussi quelquefois quand j'ai l'occasion. Et c'est exactement ce que je leur dis, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, c'est pas utile d'acheter des bouquins, quoi. On a tout sur Internet. Après, c'est vraiment kiffant d'avoir le bouquin en main. C'est vrai Oui, que tu vois. c'est là, je suis content d'avoir dépensé 15 balles. Ouais, C'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Donc ensuite, quatrième question pour le coup. Quelles Ok. sont tes inspirations majeures? Alors, je dis toujours que je suis un espèce de gros mix entre l'animation japonaise ou le manga et le cartoon américain. Je suis un gros gros fan de tout ce qui dit Cartoon Network, Nickelodeon, tous ces cartoons de gosses genre Bob l'éponge, Gumball et tout. Je ponce ça mais à un niveau optique maximum. Et du coup, vraiment, j'ai essayé de faire un style un peu mix des deux où je peux avoir des traits assez puissants comme dans le manga et en même temps des espèces de déformations ou de trucs comme ça plus tournés vers le comics du coup. Alors, n'empêche, moi j'ai envie de dire, c'est la grosse satisfaction parce que maintenant tout le monde dit, tout le monde te dit sur internet ou dans la vraie vie, oh tu dessines du manga, tu dessines du manga, et j'ai envie de dire, ah non, c'est pas du manga. Et Ouais, voilà. quand t'as un qui disent, ah oh, j'aime bien ton style un peu cartoon, c'est cool. Ouais, c'est Merci, clair, c'est clair, c'est merci. clair, c'est clair. Mais ça Ouais. m'est déjà arrivé, je crois, quelqu'un qui est arrivé et qui a commencé à me faire, ouais, il aime mes dessins parce qu'il trouve c'est un peu cartoon. Je fais, waouh, ouais, ben, ouais, c'est t'as l'œil, t'as l'œil. Thanks, bro, thanks. Ok. Très bien. Donc ensuite, déjà, on en est déjà à la cinquième question. Ça va trop vite. Je vais parler un peu plus alors. Comme tu veux, c'est toi qui gères. Voilà, c'est toi qui réponds. Ok. Question 5. Que dirais-tu à ton. Oui, ça. Que dirais-tu à ton toi d'il y a 10 ans? Ouf. Clairement, première chose que je dirais à mon moi d'il y a 10 ans, c'est d'arrête de te cacher sous ta capuche bleue. Elle est moche. Hein? Alors j'avais un espèce de pull que je mettais tout le temps, mais genre tout le temps depuis que je l'ai acheté. Et que ce soit pour sortir ou pour rester à la maison, tout le temps, je l'avais tout le temps sur moi et c'était très moche et je me sentais cool à l'intérieur pourtant, hein. Je me sentais cool, mais c'était horrible. Alors Voilà. c'est Ça, c'est peut-être aussi parce qu'il était hyper confortable, je sais pas. Ouais, non, oui, le pull était quand même pas mal confortable, faut pas se mentir. Voilà. Mais il était moche, quoi, il était moche, il était pas beau. Et deuxième chose que je me dirais, ce serait d'éviter de douter trop et de foncer dans ce que j'ai envie de faire. Et franchement que la vie appartient à ceux que pas à ceux qui se lèvent tôt parce que ça c'est un mythe parce qu'aujourd'hui il y a plus d'heures pour se coucher ou pour se réveiller mais la vie appartient plutôt à ceux qui prennent les choses en main en fait donc de vraiment pas abandonner ni l'apprentissage que je faisais de vraiment aller à fond dans ce que j'ai envie de faire quoi. D'accord, en fait, tu serais comme ça. Tu penses trop, gamin. Agis. Ouais, voilà, non, exactement, exactement, exactement. Parce qu'en fait, je sais pas si tu t'as su du coup, parce que ma chaîne YouTube, elle a 5 ans. Ouais, j'ai. Les premières vidéos que j'ai postées, elles datent d'il y a 5 ans, quoi. Et mais je me suis, j'étais pas assez régulier. Et je me dis que dernièrement, je me suis mis à régulariser tout ça. Ça fait un an que je suis passé de 30 abonnés à 1600 en moins d'un an, quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, je me dis que bah, si depuis le début j'avais fait ça, ben je serais bien plus haut aujourd'hui. Bon, après, je regrette pas. Tu vois, c'est le passé. Donc, mais voilà, vraiment, faut pas Ouais. abandonner nos objectifs de Après, vue, quoi. je pense que beaucoup de tes abonnés peut-être sont arrivés sur ta chaîne, comme moi par exemple, grâce à ta collaboration avec Choco Dessine, je pense. Ouais, non, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Parce que Mais ce qui moi est perso, je suis cool. arrivé comme ça c'est. Ouais, voilà. Non, ouais, non, il y a beaucoup, beaucoup. En fait, juste après cette vidéo, j'ai eu d'un coup, je crois, 1000 abonnés, un truc comme ça. Ouais, Bam! donc, ah ouais, non, j'étais là, waouh! J'étais à 500, non, j'étais pas à 500, j'étais à 300 abonnés, je crois. Et d'un coup, 1000 abonnés, ouais, allez, c'est parti, on commence. Et j'étais trop fier de moi ce soir-là. Voilà, donc, non, vraiment, cette vidéo m'a beaucoup aidé en termes d'abonnés et de confiance en moi aussi, parce que ben, j'étais là en mode je tâtonnais, j'essayais de le faire et tout. Je vois que ça avançait pas, et d'un coup, il y a vraiment des gens qui ont commencé à me soutenir, à trouver ce que je faisais, qui était bien, qui me demandaient des conseils aussi, c'était un truc de fou. Et voilà, du coup, ça, c'est vraiment cette vidéo qui a fait décoller ma chaîne, entre guillemets, quoi. D'accord, ok. Ensuite, du coup, question 6. Où te Allez. vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je me vois chef d'entreprise de plusieurs entreprises, dont ma chaîne YouTube. Je me vois, pourquoi pas, styliste, entre guillemets, créateur de vêtements. Et non, vraiment, je me vois, je dirais pas à la tête d'une communauté, mais plus comme un espèce de liant à une grosse communauté dessin. Et en vrai, je veux pas me vanter ou quoi, mais mon objectif, ce serait d'atteindre plus qu'un million d'abonnés en France. Et je suis sûr que dans le monde francophone, on peut y arriver, quoi. Donc voilà, pour rassembler tout le monde autour du dessin et de la création en général, de raconter des histoires, du manga et tout ça, quoi. Parce que j'ai vu que ça a fait beaucoup de bien à plein de gens et j'ai envie de faire du bien à plus de personnes possible, quoi. D'accord. J'ai l'impression d'être là en mode voter Benjamin, voter Panda. C'est trop nul, j'ai l'impression d'être un vendu. Ouais. Non, mais voilà, dans 10 ans, je me vois prospère. Bah, au niveau du million d'abonnés avec le dessin, il n'y a pas Tutodro qui a un million d'abonnés avec Bah le dessin? justement, en fait, j'ai exactement fait ça quand je me suis lancé pour de vrai sur ma chaîne YouTube. Je suis allé voir la chaîne francophone de dessin qui avait le plus d'abonnés. Je me suis dit, si lui y est arrivé, moi je peux aussi. Voilà. En plus, toi, tu te fais chier pour le montage, hein, je tiens à le dire. Voilà, c'est ton montage est quand même pas mal. Hein, Ah, ben merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on me dit que j'ai un montage de qualité, quoi. Ça fait plaisir. Parce que, non, vraiment, des fois, je prends 5 heures de temps rien que pour le montage, après un dessin de 5 heures de temps. Je te jure, des Ouais. fois, je suis là en mode, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime souffrir? Alors que Là, moi le montage, basiquement, c'est Movie Maker. Hein, c'est. voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, rien qu'hier, je suis passé sur un nouveau logiciel de montage, hein, plus puissant que ce que j'utilisais. Et ça fait une semaine que je suis sur une vidéo, pas du tout dessin, ça serait un vlog du coup. Mais comme je maîtrise pas du tout le nouveau logiciel, j'ai galéré. C'est rien qu'hier, j'ai fini une vidéo qui était censée être postée samedi dernier. Donc, Ah. ah non, D'accord. voilà, c'est ça. Bah, merci Ouais, beaucoup, c'est pour le compliment du coup. bah, de rien, de rien. Écoute, c'est normal. Ensuite, bah, du coup, question 7, septième question. Quels sont tes artistes préférés? Alors, mes artistes préférés, on va dire que déjà, je sais pas comment commencer. J'ai pas de top en fait, donc je vais y aller au total un hasard. Il y a Ben Benkley, je crois qu'il s'appelle Ben Benkley. Je sais plus exactement son nom, mais c'est le gars qui a créé Gumball. J'adore ce gars parce que franchement, avoir le culot de mélanger autant de styles graphiques dans une seule œuvre. Je te jure, c'est du génie. Franchement. Et franchement, c'est un peu ça aussi, c'est un peu Gumball qui m'a inspiré à, Je regarde beaucoup de cartoons depuis que je suis tout petit, des Super Nana, Dexter, tous les Cartoon Network. Je ponce ça depuis que je suis tout petit, quoi. Mais vraiment, c'est Gumball qui m'a redonné foi au cartoon, quoi. Par contre, j'avais cru comprendre dans un live que t'étais pas fan de Steven Universe, par exemple. Ah, par exemple, voilà, non. Non, je suis pas fan de Steven Universe parce que c'est pas mon délire de. Il a trop, je sais pas, comicsisé son histoire, en fait, je trouve. Je sais pas. Peut-être c'est pas assez débile pour moi. Trop de profondeur scénario, c'est ça? Ouais, je pense. Parce que pour moi, un comic, c'est censé être là pour des gosses, premièrement. Et si vraiment tu veux faire des blagues, c'est des blagues type pipi caca, quoi. Je veux dire, c'est vraiment là en mode. Tu débranches ton cerveau et tu apprécies. Même si des fois, tu peux avoir des messages profonds. Genre dans Gumball, t'as des messages profonds, mais c'est pas là tout le temps à te prendre aux tripes. Et... Non, là, je trouve, c'est pas. Ça colle pas avec. Voilà, j'aime pas trop Steven Universe après. C'est tout. Après, qui d'autre? J'adore Gary Vanaka en artiste francophone. Je sais pas si tu connais. Je vois qui c'est, ouais. C'est... Je trouve qu'il a un style graphique vraiment épique. Je me souviens que au tout début, quand je vais commencer le dessin digital, j'ai chopé un de ses dessins, je lui ai demandé l'autorisation et j'ai fait la colo. J'étais trop fier de moi. J'étais en mode ouais, un jour je dessinerai comme ça et tout. Non, je pense ce gars il a un niveau dans les FX, dans les positions dynamiques. Franchement, ce gars il gère quoi. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé un Ulule il y a pas longtemps, je crois. Ouais, il est en train de lancer son manga, je crois. C'est un truc de. Je suis trop content pour lui, quoi. Si un jour il entend cette vidéo, vraiment, paix et respect pour toi, frère. Après, je parle un peu sur Facebook avec lui, donc c'est ça qui est chouette aussi. Ouais. Après, en artiste étranger, j'aime beaucoup Loïch, du coup. J'avais fait une vidéo dessus. Oui, Loïch, j'aime beaucoup Ciarin, j'aime beaucoup Créon, je sais pas si tu connais. Je trouve qu'il a un style. J'aime pas tous ses dessins, mais je trouve qu'il a un style graphique cool. Comment t'écris ça? Créon. CRE.ON, je crois. Sur Instagram. Voilà. Donc, après, je connais beaucoup d'artistes aussi, c'est ça le problème. Ah ouais, il y a Kouchinov aussi. Ah oui, Kouchinov aussi, que j'aime beaucoup. Kouchinov, mais c'est un monument après, en termes de. Ça, c'est sûr, ouais. Kouchinov, c'est. Non, voilà. Vois, du coup, Créon, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'ai des trucs bien, je trouve. Ah, il y en a aussi un autre, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Ah, c'est trop dommage. Ce gars, il fait des trucs de fou. Enfin, voilà, je connais beaucoup, beaucoup d'artistes, donc, j'ai pas d'artiste préféré, quoi, en gros. J'ai vraiment beaucoup d'artistes que je suis. En fait, si tu vas sur mon Instagram, il y a que des artistes, quoi. C'est sûr. Ensuite, donc, on en est où? On en est à la 8e question, tiens, déjà. Donc, 8e. Déjà. Ouais. 8e question, quel conseil donnerais-tu aux artistes en herbe? Conseil que je pourrais donner aux artistes en herbe, dessiner, mais genre tout le temps. Même si. Et par contre, si des fois vous n'avez pas envie de dessiner, vous ne forcez pas non plus, vous voyez. Mais dès que vous avez l'occasion, dès que vous avez l'énergie pour le faire, dessiner tout le temps. Parce qu'en fait, je connais plein de gens qui sont là en mode. Ils ragent parce qu'ils n'arrivent pas à dessiner aussi bien que moi ou d'autres artistes. Comment j'ai fait, machin, j'ai beaucoup de talent. Le talent, c'est un mot que je déteste. Ah non, ça, c'est pas parce que c'est pas du talent, les gars, c'est du travail. Et les gens ne réalisent pas que. C'est... Oui, d'accord, il y a des gens qui ont des facilités avec ça. C'est sûr, oui. Mais c'est du travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Et un autre conseil que je donne souvent aux artistes en herbe, c'est les gars, votre portefeuille, gardez-le. Vous avez juste besoin d'un crayon et d'une gomme, je sais pas moi. Les gens qui achètent des tonnes et des tonnes de matos alors que tracer un cercle droit, ils savent pas le faire. Je suis en mode, mais pourquoi vous faites ça? Ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Why? Ouais, c'est ça. No, please, no. Et le pire, c'est quand toi, t'as besoin de matos et tout. Tu vois que eux, ils ont, je sais pas, un set entier de pro marqueurs, mais qui savent pas tracer un trait. Mais t'es là en mode, sale fripon, va. Voilà, donc. Petite fripouille. Voilà, les deux conseils que je peux donner, c'est vraiment dessine tout le temps et gaspille pas ton argent. C'est ça. Bah, pareil, quand on me dit, moi perso, tu dessines vachement bien, dis donc, c'est le talent. Non, Billy, ça s'appelle 10 ans d'entraînement, tout simplement. Ouais, mais grave. C'est ça, et les gens, franchement, les gens, je sais pas pourquoi ils réalisent pas ça. Peut-être parce que pour eux, on est né comme ça Ouais, en tant qu'artiste c'est avec un ça. crayon dans la main. Non. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes élèves, les pio, je vous dis, moi, pour dessiner comme je dessinais sur le tableau, ça m'a pris 10 ans. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est. Et ils réalisent pas ça forcément, quoi. Et voilà. Donc, voilà, c'est mes deux conseils. D'accord. Et ensuite, on arrive à la dernière ligne droite, donc les questions custom. Allez, les Donc les questions questions custom. personnalisées. Donc, Ok. question numéro 9. Quel projet as-tu pour ta chaîne? Ah, pour ma chaîne. Bah franchement, en ce moment, je suis vraiment en train de d'essayer d'upgrader mon. Ah, je cherchais ce mot toute la matinée, j'ai pas trouvé. J'avais un devoir en plus, j'avais besoin de ce mot, je l'ai pas trouvé. Upgrade. Upgrade, tu vois, j'avais besoin de ce mot, je l'ai pas trouvé, là d'un coup ça sort. Ok, d'accord, merci. Bref, donc voilà, je suis vraiment en train d'essayer d'upgrade mon matos parce que j'aimerais faire des vidéos IRL plus souvent. Donc là, je suis en train de travailler sur le vlog, enfin la vidéo elle est finie, mais je l'ai filmé avec mon Xperia quoi, et bon, le résultat est pas mauvais. Mais j'aurais vraiment Mais il aimé y a mieux. avoir une meilleure caméra. Voilà, j'aurais aimé avoir une meilleure caméra, faire de meilleures images, avoir un meilleur PC pour faire de meilleurs montages. Voilà, donc vraiment aller sur un côté qualité IRL meilleur, quoi. Et Après. deuxième projet que j'ai sur ma chaîne, ce serait, j'aimerais. Ah non, je sais plus. Ah non, j'ai oublié. Ah, c'est pas pour ma chaîne du coup. Non, c'est pas. Non, j'ai mélangé deux trucs. Oh, Non, c'est pas même pour ma chaîne. tu peux dire projet en général, voilà, c'est. Ok, d'accord. Tu Donc, peux projet en demander. général, en ce moment, je suis vraiment en train d'écrire du scénario. Enfin, quand j'ai le temps, du coup, j'écris le scénario de mon manga Prime Hunters. Donc, il y a ça. Il y a un projet que je voulais travailler un peu avec Choco, Surgeon et DMG. D'un livre, mais du coup c'est pas un livre de dessin, enfin si c'est un livre de dessin, enfin bref, quand ça sera plus officiel je vous le dirai, mais voilà, on était en train de travailler, maintenant c'est un peu en pause, donc on verra, donc si on le fait vraiment ou quoi, voilà, donc j'ai deux D'accord. trois projets comme ça, et j'ai aussi le projet de gagner mon année, ça serait pas mal. Comme beaucoup d'étudiants, je pense, hein. Moi Ouais, aussi, je voilà, suis c'est dans cette ça, c'est clique. Hein. beaucoup, ouais, c'est ça, Voilà. c'est. Ok, objectif premier, le BTS. Voilà. La licence d'anglais. Bien que ce soit une quête pas compliquée, beaucoup est chaud. C'est ça. Ok. Voilà, donc c'est Et. ça, c'est mes premiers. Ah, Ok. je laisse. Excuse-moi, je parle trop. Ouais, bah c'est rien. C'est rien. Et enfin, dixième et dernière question. Que penses-tu du YouTube game dessin? Ah, le La YouTube tuile. Game Dessin. La tuile, c'est ça. Le YouTube Game Dessin. Franchement, il y a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Je trouve que, bah, comme disait, enfin j'avais entendu ce terme dans une des vidéos de Choco, du coup, la sphère YouTube artiste qu'on est, du coup, il y a Sleeper, DMG, moi, Surgeon et Choco. Je crois que j'oublie personne. Il y a Lineart aussi, je crois. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Donc cette petite sphère-là, on commence à être un groupe de potes, entre guillemets, qui s'entendent bien. Mais il y a une partie du YouTube dessin que je n'aime pas du tout. C'est le YouTube dessin des gens qui sont là et qui font des dessins. Pas de dessin manga, du coup. C'est pas que j'aime pas ce genre de dessin. C'est juste que je trouve. Je sais pas, je trouve leurs vidéos vides au final parce qu'ils sont là en mode soit ils copient un dessin, soit ils essayent de faire. Et même les dessins réalistes, en fait, ils sont là en mode. Ils essayent de prouver qu'ils arrivent à le faire, tu vois. Et genre, ils essayent pas d'inventer au final parce que ben, quand ils font un dessin réaliste, ils ont une photo devant eux. Et oui, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de travail. Mais je trouve, en général, c'est le dessin. De copies que je n'aime pas sur YouTube, dans le YouTube game dessin, quoi. Après, D'accord. voilà, c'est. Il y a une partie que j'aime pas et une partie que j'adore. Et dont ma communauté et la communauté de notre groupe de potes, en fait, on a vraiment une communauté, mais de malade mental, quoi. Tout le monde est là en mode, tout le monde sait dessiner. Quand on fait des concours, ça part en steaks. Tout le monde dessine, tout le monde participe. Ouais. T'as des niveaux de fou. T'as des gens qui dessinent, mais t'es là, mais pourquoi c'est moi que tu suis et pourquoi moi je te suis pas, tu vois. Donc non, voilà. Une partie que j'aime beaucoup, c'est vraiment les créatifs, ceux qui cherchent à raconter des histoires, ceux qui cherchent à faire de nouvelles choses. Et il y a une autre partie qui sont là et c'est pour essayer d'impressionner la galerie. Tu sens que les vidéos, genre, je sais pas, quand je regarde leurs vidéos, je suis là, mais tu sens que c'est pour se vanter qu'ils font ça en fait. Et voilà, c'est une autre partie que j'aime pas du tout dans le game design. D'accord. Voilà. Et bah, je pense qu'on a fait le tour du coup. Ça fait 10 questions, les 10 questions de Dieu. Ça fait. Voilà, c'est... Ça fait bien 10 questions. Voilà. Ça fait c'est... 10 questions, voilà, très bien. Voilà. Donc. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Allez, on change un peu les rôles. C'est moi le Game Master maintenant. Je prends le contrôle de la chaîne. Pardon. Vas-y. Pourquoi cette idée de 10 questions de DLC? Alors, en fait, c'est tout con. Mais en fait, j'étais tombé une fois sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Ni Geek Ni Nerd. Ouais. Il avait fait une interview de Dunklace. Je sais pas si tu vois qui c'est, Dunklace. Ah si, je connais beaucoup. Ouais, je connais. Alors, j'aime bien son ce qu'il fait. Ouais. Scale des, ou il. Un des meilleurs artistes francophones. Il. C'est un des meilleurs. Il. Artistes voilà. On sait pas trop. Enfin voilà. Si maintenant c'est il, c'est. Voilà, c'est ça. Il. Et du coup, je suis désolé. Et du coup en fait, il avait fait une interview de Dunklace. Et je me suis dit, bah, ça peut être moi qui étais en charge de concept entre guillemets pour ma chaîne, j'avais quelques concepts, sauf que je me dis, moi, je. Voilà. Et en fait, je me dis, les 10 questions. J'étais là et c'est genre, j'étais dans mon pieu, il était genre 2h du mat, je réfléchissais, j'arrivais pas à dormir. Et puis là, t'as la vieille ampoule LED qui s'allume dans le cerveau, tum. Putain, ah. Putain, ça y est, oh merde, bah voilà. Ça y est. Ah non mais c'est quand ça arrive comme ça dans ta tête c'est ouf hein. Ça fait l'effet d'une bombe nucléaire qui rase tout dans le cerveau et du coup je me suis et du coup j'ai commencé à faire une liste entre guillemets une liste d'artistes à interviewer et aussi à penser à commencer à penser aux questions que j'allais poser et aussi à de quelle façon j'allais faire ça et c'est comme ça que sont nés du coup les 10 questions de GLC en fait et aussi parce d'accord. que je me dis, bah, un travail d'interview de journaliste, entre guillemets, grande guillemets, ça peut être pas mal, je pense. Bah, franchement, je suis très content. Enfin, je trouve, moi, personnellement, quand je regarde, enfin, quand j'écoute ce genre de podcast, du coup, je suis là en mode, je fais autre chose à côté, quoi. Et je trouve que c'est reposant, c'est cool d'apprendre un peu plus. Enfin, ça fait émission radio, quoi. Je sais pas si toi, tu vois pareil. Clairement, moi, je vois ça comme de la web radio, hein. Ça, c'est. Ouais, c'est ça. Mais j'adore, franchement, je kiffe le concept et j'espère pour toi peut-être même développer une web radio, pourquoi pas, sur l'art, pourquoi pas, une web radio artistique, quoi. C'est peut-être con, mais parmi les émissions de web radio que je voulais développer, il y avait une émission de. J'avais pour idée de développer une émission de jeu de rôle papier, un peu à la façon d'aventure, mais version uniquement audio. Et ouais. J'ai même pensé au nom, ça serait genre Radio Gobelin. J'adore. mais grave, j'espère que tu vas percer là-dedans, quoi. C'est ouf, je kiffe moi ce genre de truc, quoi. Ah bah merci beaucoup. Hein, voilà, c'est ça. ça me va droit au petit cœur, voilà. C'est... voilà. Et ben, mais je c'était pense, ma question. Je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Donc bien sûr, dans le lien dans la description de la vidéo YouTube, je mettrai tous tes réseaux. Donc rappelle-moi sur quel réseau es-tu déjà. Alors je suis sur je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Voilà. Ok. Mais donc, oubliez un peu mon Facebook parce qu'il est mort. Venez plus sur Twitter et Instagram plutôt. C'est mieux. Et YouTube. C'est mieux. YouTube. Et YouTube, voilà, YouTube, c'est vraiment là où. Mais donc Instagram et Twitter, j'essaye d'être de plus en plus présent. Mais sur Instagram, voilà, je suis quasiment tous les jours ici parce que voilà, je trouve que le format story, il est bien complémentaire en fait à un vidéaste, je trouve. Voilà, donc c'est pour ça. Et les stories Snapchat, je trouve que Snapchat c'est pas assez complet. Snapchat c'est trop. Je sais pas, Snapchat je suis pas fan. Voilà, et Instagram c'est plus. Plus. Comment on dit ça ? Moins éphémère ? Non, plus adapté à ce que j'ai envie de faire, quoi. D'accord. Voilà. Bah, du coup, je mets ton Facebook ou pas? Ah, écoute, Bobby, je ne sais pas. Va Écoute, on verra choisir, ça. écoute, c'est comme tu veux, On verra c'est comme ça, tu on veux. verra ça. On voit Bah. beaucoup l'influence de Bob Lennon, n'empêche, là. On l'entend, on l'entend. Ah bah, Bob Lennon est un dieu parmi les mortels. C'est pas compliqué, voilà, Bob c'est. Lennon est un métalleux de l'enfer, ça c'est clair. C'est Ah oui. Ah c'est oui. celui qui a triomphé des chaînes démoniaques pour sortir et venir nous montrer la voie, je crois. Il a triomphé de Doviculus, de Alduin et de plein d'autres saloperies dans le genre. Voilà, C'est c'est. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bah, très bien, écoute, c'est sur cette petite interlude lennonienne que se termine du coup ce Voilà. second épisode des 10 questions de GLC. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à, si vous êtes sur YouTube, liker, partager, commenter, etc. Vous connaissez la routine, je pense. Et c'est Et. très important pour nous. Vous C'est. n'imaginez même pas, mais c'est très important pour Ah oui, nous. c'est clair, Parce clairement, c'est. que c'est un YouTube te référence tellement plus quand c'est comme ça. Ah pardon, je te coupe encore. Je vois ma copine qui me regarde avec des yeux exorbités. Donc Tu vas être un grand nez, toi, Billy! Voilà, c'est. Pardon, je suis désolé, je parle Ça trop. fait rien, ça fait rien, ça fait rien. C'est toi la star de cette émission, après tout. Bah non, mais techniquement c'est toi. Écoute, on est là. Et après, tu invites des gens et ils prennent la place. Pardon. Donc, bien sûr, donc YouTube, n'oubliez pas. Et aussi, pourquoi pas sur SoundCloud et Podcloud, essayez de vous abonner si vous voulez. Voilà, seulement si vous voulez. Mais après, dites-vous que ça m'aide un petit peu. Quoi, là, c'est. Voilà. Et du coup, bien sûr, abonnez-vous à tous les réseaux du coup de Panda Atomique et rejoignez la Panda Armée. Et Ah yes, cette phrase. la Panda Armée dominera le monde. Voilà, c'est. et oui, nous boufferons des bonbons, nous boufferons tous des bonbons, nous flémarderons. C'est ça. Et du coup, je vous dis à toutes et à tous, bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous souhaite bah, la bonne bise et à la prochaine. Out.